Plus saine, et les montagnes explosent et vers le ciel, la scène se transforme. Que cette femme sous silicone, moi sous anesthésie, pas très en forme. Les géants deviennent des gnomes et le salut me maintient comme un clone. Je vois des rides de violence, des images de guerre, des cicatrices rances. Mon corps s'ouvre et mon cœur souffre de son errance. Je bouge, danse, mes pieds me donnent des coups de main. Je ne sais pas combien coûte le frein, mais en tout cas plus cher que ce triste refrain. LSD, lampe sous délire, LSD. Lady, subdivide LSD. Lance, délire LSD. Lady, subdivide. Troisième fois, la vapeur d'oreille passe. Son visage se décolle et s'efface. Mes allusions, mes yeux, mes émotions ne sont que des farces. Scotché à la face, à ses pas, j'y perds la face. Les clopes m'éraillent la voix. Je crève, bientôt c'est bon pour moi. Et la vie se préserve avec classe. Aucun violeur ne met de préserve. Et on se demise avec de la glace. Aucun rapport, aucun apport. Des bons et des mauvais accords. Des bons et des mauvais rapports. Je fais un rapport, on est d'accord. Je suis rappeur, le genre rat. Pire qu'un dealer, cette fois je suis allé trop loin. Un bouchon dans un coin, l'esprit plein de courbatures. À force de danser sur ce chaleureux refrain. LSD, l'or sous délire, LSD, Lady Subdivide. Dernière fois, ma vie s'appelle suicide et mon amoureuse est inconnue. Elle a dit c'est une femme que j'aime autant que le cul. Il n'y a personne dans les rues en ce samedi après-midi. Il faut que je passe le temps, j'ai besoin de te chier. Quand je raquette des fashion, je ne culpabilise jamais. Hier soir, un camion m'a encore écrasé. Je partage ma bouteille avec mon pote Bob, le clochard. On trouve pas de job, puis je vais encore vivre des clochards. Alors j'invite des gens que j'ai à peine croisés. Ensemble, on trip, on prend de l'été. Mon cerveau n'en prouve rien, et la conscience me revient. Mes oreilles chantent ce malheureux refrain. Laisse soupirer le délire. Thank you. Thank you.